spéciaux, nous envoyons une multitude de huissiers avec des ordonnances et des astreintes de 1000 à 2000 euros par an de blocage. Malgré cette pression, cette intimidation, nous, les portugais de guerre, on ne cédera pas, les camarades. On ne cédera pas, on ne cédera rien du tout. Aujourd'hui, on est en train de les payer. C'est plus, c'est quasiment 50% d'activité en moins dans les ports depuis le 1er janvier et depuis le 5 décembre et les différentes modalités qu'on a mis en place. Voilà, nous, ils ne nous intimideront pas. On restera dans la lutte. On a mis une stratégie en place. On est en capacité de durer très longtemps. On s'inscrit dans la durée. Parce que, bien sûr, on sait que le combat, il va perdurer encore quelques mois. Mais nous, en tout cas, sachez qu'on lâche rien du tout. Il y a même des pressions qui sont faites, hein, d'intimidation CSE, ou que certains employeurs sont prêts à déposer le bilan, à être en cessation de paiement. Tout ça, c'est une forme de pression qu'ils essayent de mettre sur nous, les travailleurs portuaires de guerre, pour nous faire peur, pour qu'on arrête de faire grève. Mais nous, c'est très fort, on n'en veut pas. Ce projet de merde, cette société de merde, au service du capitalisme, on n'en veut pas. Nous, on veut une société progressiste pour nos enfants, pour les générations futures. Et on mènera le combat jusqu'au bout, El Macron et Edouard Philippe. On va les ruiner, on va les plier. Ouais.